passe tes nerfs dans le shit, poto t'es pas le seul. T'es pas le seul qui galère dur, qui a le seum. L'amour te ferme les yeux, tu le vois que quand t'es seul. L'amitié ne vaut rien, tu t'en aperçois quand t'es seul. Mais vaut mieux rester seul que traîner avec des faux culs. Te mêle pas avant de parler, hashtag regarde ton cul. En parlant l'autre du plus fort, mon poteau j'en vois aucune. T'es pas le seul qui galère dur, qui a la police au cul. T'occupe pas, t'es pas le seul, recule pas. Laisse-les parler, sois fort, ne les calcule pas. Ils parlent de nous mais ils savent pas, dis-leur qu'on s'est fait seul. J'oublie pas, sans Liga One, j'étais seul. Si t'as des choses à dire, dis-les, poto, t'es pas le seul. Entoure-toi de bon, dis-toi que t'arrives à rien tout seul. Toi t'as goûté au bitume, tu rêves d'avoir des big tunes. Poto, t'es pas le seul. Pense à ta mère quand tu te sens seul. Quoi qu'il arrive, elle t'aimera. T'as connu la galère, mais t'es pas le seul. Et ton prochain, le ciel t'aidera. Pense à ta mère quand tu te sens seul. Quoi qu'il arrive, t'es elle t'aimera. Tes parents sont séparés, mon frère, t'es pas le seul. T'as perdu un proche, c'est un ange dans le ciel. Et moi, quand je pense seul, dans ma paranoïa, je deviens fou, je parle seul. Est-ce qu'on va tous souffrir? La belle vie, on va se l'offrir. Même si tu me vois sourire, sache que je m'attends au pire. Est-ce que sous terre, on va pourrir? On va tous mourir, t'es pas le seul. Sentiment de trahison, la jalousie, parle seul. T'aimais quelqu'un, t'as quitté pour un autre, t'es pas le seul. T'as plus de sous et ça t'oublie, t'es pas le seul. Problème de famille, tu veux pas en parler, t'es pas le seul. T'as la vingtaine, t'as un enfant, t'es pas le seul. Tu vois plus tes potes que ta famille, t'es pas le seul. T'as oublié que t'es pas seul, je sais y'a rien de facile. Les pieds dans le malheur, attends que le bonheur te fascine. Moi plus rien me fascine, le cœur cassé. J'ai mis son nom sur le sable, les vagues l'ont effacé. T'as connu la galère, mais t'es pas le seul. Et ton prochain, le ciel t'aidera. Pense à ta mère quand tu te sens seul. Quoi qu'il arrive, elle t'aimera. T'as connu la galère, mais t'es pas le seul.